je casse la démarche, on dirait que je suis walk. Mâche concurrence comme un bâton de siwak. J'ai tellement de tampons sur le passeport, on dirait que j'ai la vie d'un steward. Je veux le gâteau entier, je suis pas venu pour le grappiller. Mon psy me dit souvent que ça va pas bien. Je suis sur Paris, sud, le secteur est quadrillé. Je t'ai dit, j'écoute que ma daronne comme Adrien. Tu peux pas nous doubler, on roule au centre. Ennemi finira toujours sous nos chantres. Croyant la douleur du cœur et ta retardement, c'est un peu comme quand les couteaux rentrent. La mère de mon ex doit me regretter fort quand elle voit la dégaine de son nouveau genre. Et je crois que ça finit toujours pas enceinte, mais elle marche dans la rue avec une boule au ventre. Les maisons 10 ne savent plus quoi signer, mais hamdoula malgré la carrière en tant que si. Je suis disponible en streaming. Et dans le ciné, toi on sait toujours pas quitter comme Banksy. T'es connu en France mais dans pile 4 villes. J'me fonfonce avec une pile de piles Advil. Trace de rouge à lèvres sur le jean Calvin. Inch'Allah l'assassin de J Balvin. Ils sont en tête et les charts, mais ils sont prêts à tout pour ne pas perdre des places. Mais qui est vrai, qui est falche, j'fais même plus la diff entre les hlel et les tasses. Ils sont en tête et les charts, mais ils sont prêts à tout pour ne pas perdre des places. Mais qui est vrai, qui est falche, j'fais même plus la diff entre les hlel et les tasses. Hey, non-stop. Depuis des années, non-stop. Cash money, roulé, non-stop. Téléphone qui sonne, c'est genre non-stop. Hey, non-stop. Depuis des années, non-stop. Cash money, roulé, non-stop. Téléphone qui sonne, c'est genre wow. Le piano est simple, la mélodie est stressante. Faut jamais trembler quand la chance se présente. Toujours œil ouvert sur qui prend les thunes. Le succès, je vais dans les cul et l'envie est présente. Ils ont pris le melon, mais la gloire est récente. On nous a tout pris depuis la naissance. J'écris en zigzag, y'a même pas de vrai sens. La grosse moula du mois de janvier à décembre. Il prend le monsieur devant le jeune reveriche. Le keuf tombe sur la glace pendant la foule. Je fête mon anniversaire dans une suite au meurice. Si tu veux nous rejoindre, mais l'équipe est full. L'équipe est full, zéro chiffre, mal. J'ai chécra mon feu, donc je lis mal. J'écoute l'album dans une Jeep Boy. Il est meilleur quand le shit colle. Tu remercies tes fans pour le soutien. Si tes disques d'or, c'est grâce au cheat code. J'ai le son qui te conne. Celui qui est carré dans l'axe. Toi, ce que tu proposes, c'est carrément naze. Celui qui est carré dans l'axe. Toi, ce que tu proposes, c'est carrément naze. Tête les charts, mais ils sont prêts à tout pour ne pas perdre des places. Mais qui est vrai, qui est falche, je fais même plus la diff entre les hlel et les tasses. Ils sont en tête les charts, mais ils sont prêts à tout pour ne pas perdre des places. Mais qui est vrai, qui est falche, je fais même plus la diff entre les hlel et les tasses. Hey, non-stop, depuis des années, non-stop. Cash money, roulé, non-stop. Téléphone qui sonne, c'est genre non-stop. Hey, non-stop, depuis des années, non-stop.